les pygmines venus pour vous aider, vos nouveaux amis. On se multiplie et remplit d'énergie, nous combattons vos ennemis. Présent, nous répondons à l'appel de vous et nous accourons à vos ordres, prêts à obéir. Nous sommes les pygmines pour vous servir. Sur notre petite étoile étrange, peuplée de milliers de créatures, souvent hostiles. On est bien plus fort sur les chemins quand on est unis main dans la main. Le temps ne compte plus sur cette planète jusqu'alors inconnue. Ensemble on va s'amuser, nous sommes les pygmines pour vous aider. Make me.